Exercice 9, page 77. A. Dans cette boucherie. Transformer. Il est boucher, elle est bouchère. B. Dans cette boulangerie. Transformer. Il est boulanger, elle est boulangère. C. Dans cette poissonnerie. Transformer. Il est poissonnier, elle est poissonnière. D. Dans cette charcuterie. Transformer. Il est charcutier, elle est charcutière. E. Dans cette pâtisserie. Transformer. Il est pâtissier, elle est pâtissière. F. Dans cette épicerie. Transformer. Il est épicier, elle est épicière.